Ai-je éternel, comme tu es belle, petite tourterelle, arrache tes aisselles. Mais où es-tu donc, pucelle? Elle s'appelle Adèle et elle a des bretelles. C'est mortel, c'est mortel, c'est mortel. Elle s'appelle Adèle et elle a des bretelles. C'est mortel, c'est mortel, c'est mortel. Elle est morte, Adèle. Elle est morte Adèle, elle est morte Adèle, elle est morte Adèle. Elle a des puces, elle est morte bus. Elle a des puces, elle est morte bus. Elle est morte bus. Elle est morte Adèle, elle est morte Adèle, elle est morte Adèle. Neige éternelle, robe tu es belle. Petite tourterelle, arrache tes ailes. Mais où es-tu donc, pucelle? Mais où es-tu donc, pucelle? Elle s'appelle Adèle et elle a des bretelles. C'est mortel, c'est mortel. Elle est morte, Adèle. Elle est morte, Adèle. Elle est morte, Adèle. Elle a des puces, elle est morte, Adèle. Elle a des puces, elle est morte, Adèle. Elle est morte, Adèle. Elle est morte, Adèle. Elle est morte, Adèle. Elle est morte, Adèle. Elle s'appelle Adèle et elle a des bretelles. Elle a des bretelles. Elle est morte Adèle. Elle est morte Adèle. Elle est morte Adèle. Elle a des puces, elle est morte du. Elle a des puces, elle est morte du. Elle est morte Adèle. Elle est morte Adèle. Elle est morte Adèle. Elle a des bretelles. C'est mortel. C'est mortel. C'est mortel. Elle est morte Adèle. Elle est morte Adèle. Elle a des puces, elle est morte du. Elle a des puces, elle est morte du. Neige éternelle, comme tu es belle. Petite tourterelle, arrache tes ailes. Mais où es-tu donc, pucelle? Mais où es-tu donc, pucelle? Elle s'appelle Adèle et elle a des bretelles. C'est mortel, c'est mortel, c'est mortel. Elle est morte Adèle, elle est morte Adèle, elle est morte Adèle. Elle a des puces, elle est morte bus. Elle a des puces, elle est morte bus. Elle est morte Adèle.